إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 60 dans l'explication du livre اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh al-Fawzan dans le livre qui s'intitule التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. Et on continue donc à partir de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. On est dans le volume 1 à la page 442 et le passage qu'on explique aujourd'hui, c'est le passage numéro 214. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: والتشبه يهم يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها النظر ولكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه لما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب مع أن قوله غير الشيب ولا تشبه باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم وقال ذكره القاضي أبو يعلى وهذا وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. نعم. Donc là on rentre dans un sujet qui a rapport plus avec le fait d'imiter les kuffars dans leurs habillements, dans leurs vêtements, dans leurs apparences, dans leur façon dans leur apparence, dans les choses extérieures. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique que le fait de vouloir ressembler aux kuffars, c'est quelque chose qui est général. Et il dit que des fois, c'est de faire quelque chose parce que d'autres l'ont fait. Il dit ça, c'est très rare. Très rare que des gens fassent quelque chose juste parce qu'ils ont vu les autres le faire ou parce que d'autres personnes l'ont fait. Il dit, mais si d'autres personnes le suivent dans cette chose-là, dans cette action-là ou dans cet exemple-là, hein, وَمَنْ تَبِعَ غَيْرَهُ فِي الْفِعْلِ لِغَرَضٍ لَهُ فِي ذَلِكَ. Donc, de fait de faire quelque chose, dans qu'est-ce que la personne fait, tu prends cet exemple-là et tu le fais toi aussi. Donc ça, c'est un exemple d'imitation. Mais celui qui fait quelque chose et que ça arrive comme ça, par hasard ou par coïncidence, que l'autre personne, elle fait la même chose, sans qu'un ait copié sur l'autre, il dit ça, on ne va pas appeler ça tashabbuh. Ou bien, on peut argumenter là-dessus, que ce ne serait pas nécessairement du tashabbuh. Mais on doit quand même l'interdire, parce que c'est pour fermer la porte vers la ressemblance, parce qu'il y a dedans une contradiction avec l'islam. Et il dit, comme l'exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de teindre la barbe et de la laisser pousser et de couper les moustaches. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, changez la couleur de votre barbe lorsque vous avez la barbe blanche, changez la couleur de ces poils blancs et ne ressemblez pas aux juifs. Et donc le cheikh il dit que ça c'est une preuve que la ressemblance avec les kuffars, ça peut se produire même sans aucune intention de notre part, et ça peut également se produire sans aucune action de notre part aussi, uniquement en laissant notre barbe blanche on imite les kuffars, alors que c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Et donc ça c'est encore plus fort que le simple fait de faire quelque chose qui est en accord avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il fait sans que on le sache ou bien sans que ce soit intentionnel. Et il a été rapporté donc dans le hadith de Omar, de Ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a interdit d'imiter les non-musulmans parmi les non-arabes qui sont kuffars. Et il a dit, celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Et il a été mentionné par Al-Qadi Abu Ya'la. Et plusieurs d'entre les ulama sont basés sur ce hadith-là pour mentionner que d'imiter l'apparence des kuffars ou des non-musulmans dans leur apparence extérieure et dans leur style ou dans leur mode, que c'est quelque chose qui est détestable. Et le cheikh il dit justement, cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit قوله والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه هذا بيان الفرق بين التشبه المتعمد أو المتعمد والتشبه غير المتعمد. مع أما التشبه المتعمد فلا شك في تحريمه فلا شك في تحريمه لأنه صادر عن نية وقصد مشابهتهم وحكمه يختلف بحسب نوع التشبه أما إذا فعله وهو لا يدري أن هذا الفعل من فعل الكفار لكنه في نفس الوقت موافق لما عليه الكفار فهذا محل نظر هل يحرم نظرا لكونه هل يحرم نظرا لكونه من فعل الكفار ولو لم يقصده أو أنه لا يحرم نظرا لأنه لا يقصده فعلى كل حال يبقى عموم النهي عن التشبه بهم من باب سد الوسائل المفضية إلى الحرام وإذا تبين له أنه من فعلهم تأكد في حقه الاجتناب. Donc le cheikh Al-Fawzan explique que la première partie de qu'est-ce qu'on a lu, il explique le cheikh la différence entre la ressemblance avec le kuffar qui est volontaire et intentionnel et la ressemblance avec le kuffar qui n'est pas intentionnel, qui n'est pas intentionnel et qui n'est pas volontaire. Et il dit que, en ce qui concerne le fait de la ressemblance qui est intentionnelle et qui est voulue, il n'y a pas de doute que ça c'est haram. Il n'y a pas de doute que ça c'est haram. Pourquoi ? Parce que ça c'est quelque chose qui est fait avec une intention et dans le but de ressembler au kuffar. Et le verdict de cette ressemblance diverge selon la sorte de ressemblance et la catégorie de choses dans laquelle on leur ressemble et on les imite. Si on les imite dans le kuffre, c'est du kuffre. Si on les imite dans le shirk, c'est du shirk. Si on les imite dans le haram, c'est haram. Hein? Si on les imite dans la bid'a, c'est bid'a, et ainsi de suite. Wa amma idha fa'alahu. Donc même si c'est quelque chose qui n'est pas haram, hein, dans notre religion, disons, si on les imite dans quelque chose qui est pour eux qui est mubah, ils pensent que c'est pas haram, mais comme par exemple dans certaines choses, peut-être que c'est pas haram de le faire pour les musulmans, mais du fait qu'on le fait parce qu'on veut les imiter, eh bien dans ce sens là ça devient haram aussi. C'est comme qu'est-ce que le cheikh il explique ensuite. Il dit, si quelqu'un il fait quelque chose sans savoir que ça fait partie des actions des kuffars, ça arrive parfois. Tu vas voir que les kuffars font quelque chose, mais toi tu le sais pas, mais tu t'habilles d'une façon où tu fais quelque chose, mais tu savais pas que ça c'est quelque chose que les kuffars font, que ça fait partie de leur tradition ou de leurs affaires qu'ils font. Et toi tu le fais sans savoir que c'est de l'imitation des kuffars. Mais tu es en accord avec ce que font les kuffars, hein, en même temps. Donc tu fais exactement comme eux, mais tu ne sais pas que c'est eux qui font ça. Le cheikh, il dit ça, c'est à voir. Est-ce que c'est de tashabbuh, est-ce que c'est haram? Ça, c'est à voir. Parce que le cheikh, il dit, est-ce qu'on va dire dans ce cas-là que c'est haram? Qu'est-ce que la personne fait? Parce que elle a imité les kuffars, même si elle ne savait pas, et même si elle n'avait pas l'intention de les imiter, ou bien on va dire que non, c'est haram quand même s'il n'a pas eu l'intention de les imiter. Le cheikh, il dit, de toute façon, l'interdiction générale de ressembler aux kuffars, hein, c'est ça qu'on doit prendre comme règle de base. Dans le but de fermer la porte à tout ce qui pourrait nous amener à tomber dans le haram. Donc même si une personne fait quelque chose puis elle dit, moi je savais pas que ça c'est l'action des kuffars, ou je le fais pas parce que j'imite le kuffar, je le fais de tout, j'ai toujours fait ça comme ça, puis après on lui dit ça c'est la façon des kuffars, eh bien de toute façon Cheikh il dit, l'interdiction générale de ressembler au kuffar a précédence. Et ça, c'est dans le but de fermer la porte à tout ce qui pourrait amener quelqu'un à faire ce qui est haram ou à tomber dans le haram. Une fois qu'on a clarifié à la personne que cette action-là, ça rentre dans l'imitation des kuffars, alors dans ce cas-là, il devient certain que cette personne doit s'écarter de cette chose-là et de cette action-là. D'accord ? Donc, bien entendu, ça c'est comme toute chose. Si quelqu'un fait un péché puis il ne sait pas que c'est un péché, ou si quelqu'un fait tashabbuh, il imite les kuffars dans quelque chose mais il ignore que ça c'est de l'imitation des kuffars, la première chose c'est qu'on doit lui faire savoir, on doit lui expliquer, on doit lui clarifier que cette action-là, ça fait partie des actions des kuffars. Et une fois que la personne sait ça, bien là, par la suite, elle doit s'en écarter. Hein? Le cheikh, il dit ensuite. Ensuite, également, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, par la suite, il mentionne l'exemple de teindre la barbe qui est blanche, hein, de mettre de la teinture dedans, ou bien de la laisser pousser, et de couper les moustaches. Donc, il dit, ومعلوم أن الشيب ليس من صنيعنا ولا هو من صنيع الكفار أيضا وإنما هو من خلق الله فينا لكن لما كان الكفار لا يصبغون لحاهم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ اللحى مخالفة لهم. لما لأن مخالفة الكفار أمر مقصود للشارع لقوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد ها جنبوه السواد والمراد السواد الخالص أما السواد الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة فهذا لا مانع منه donc les cheikhs ils disent que on sait très bien que les poils blancs qu'on a dans notre barbe dans nos cheveux ça fait pas partie de notre action à nous c'est-à-dire que c'est pas nous-mêmes qui hein, décidons de mettre nos poils blancs ou c'est pas non plus même les koufars c'est pas eux qui font ça volontairement ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous hein? Même si des fois il y a des gens qui suivent des modes ils décident de se teindre les cheveux blancs alors qu'ils sont jeunes ça c'est Allah musta'an c'est un autre exemple d'égarement mais si quelqu'un il a des cheveux naturellement blanc, que ça pousse blanc, hein, ça c'est pas quelque chose que nous-mêmes on a voulu ou que quelque chose que les koufars ont voulu et qu'ils ont fait, mais ça c'est quelque chose que Allah a créé. Et il dit, tandis que les koufars, eux, ils ne teignent pas leur barbe, hein, quand elle devient blanche, ils la laissent blanche. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de la teindre. Quand elle devient blanche, pour contredire les koufars. Parce que dans la contradiction des koufars, ça, il y a quelque chose qui est recherché, qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut qu'on contredise les koufars. Et c'est pour ça qu'il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de teindre notre barbe lorsqu'elle devient blanche. Et il dit, mais écartez-vous du noir. Hein? Mais écartez-vous du noir, mettez pas votre barbe, ne la teignez, lorsque vous la teignez, teignez-la pas avec du noir. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par le noir ici? C'est le noir pur. Il dit, tandis que le noir dans lequel il y a du rouge ou du jaune, hein, un noir qui tend vers le rouge ou qui tend vers le jaune, ça, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit. Qu'est-ce qui est interdit, c'est de teindre avec le noir pur. Après, il dit, à propos du hadith, من تشبه بقوم فهو منهم, dans les propos de Ibn Taymiyyah, il dit, أي من تشبه بأي جنس من الناس فهو منهم. فمن تشبه بالصالحين وبالمسلمين فهو من المسلمين. ومن تشبه بالكفار فهو منهم وفي هذا الحديث نص على جزئية من معنى الحديث السابق فقد قال هنا من تشبه بالأعاجم وهذا ليس تخصيصا لما سبق وإنما هو ذكر لبعض أنواع العام لأن العام يشمل أنواعا وهذا نوع مما يشمله Donc, le cheikh, il explique que celui qui donc imite un peuple, il est un des leurs. Ça, c'est un hadith qui a été mentionné. Puis, il y a une autre parole, une autre hadith qui dit que le prophète sallam nous a interdit de ressembler aux a'ajim. C'est-à-dire, al-a'ajim, les noms arabes. Mais les noms arabes, il y en a qui sont kuffar. Donc on n'a pas le droit de les imiter. Et le cheikh explique que donc celui qui ressemble à n'importe quelle sorte d'homme ou de peuple ou de gens, il est un des leurs. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, ressemble aux pieux et aux gens vertueux et aux musulmans, alors dans ce cas-là, il est un des leurs. Si le musulman, il essaie d'imiter les pieux et les vertueux, il est un des leurs. Il essaie d'imiter les gens qui ont de la piété, qui ont de la science. Il les imite, il est un des leurs. Et celui qui imite les kuffars, ah ben il est un des leurs. Hein? Donc, il dit, Dans ce hadith, donc il y a quelque chose qui est explicite et clair et qui indique une part de la signification du hadith précédent. Dans le sens que dans le hadith précédent, il dit « celui qui ressemble au ajim », c'est-à-dire au non-arabe. Et dans le fait qu'on dise les non-arabes, qui sont les non-musulmans, les kuffars non-arabes, il y a, c'est pas comme pour spécifier ou limiter le sens de qu'est-ce qu'on a dit précédemment, mais c'est uniquement pour mentionner une partie de qu'est-ce qui est général dans l'interdiction d'imiter les kuffars, c'est-à-dire une des catégories d'imitation qui nous a été interdite, c'est d'imiter les ajim, qui fait partie du sens général de l'imitation de l'interdiction d'imiter les kuffars. Le sens général, c'est l'interdiction d'imiter les kuffars. Parmi les kuffars, il y a al-a'ajim. Hein, parmi les kuffars, il y a les a'ajim, les non-arabes. Et ça, c'est pas quelque chose pour restreindre l'interdiction à eux seulement, mais c'est une des catégories de personnes qu'on a été ordonné ou interdit d'imiter. Non. Et le cheikh explique qu'est-ce qu'il veut dire par l'a'ajim justement. Il dit wal muradu bil a'ajim ghayr al arab mimman hum ala al kufr wal wasaniyya amma al a'ajim al muslimun fa ha'ula'i lahum hukm al muslimin wal fal muradu bil a'ajim huna al a'ajim alladhina hum ala ghayr al islam. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par al a'ajim? On veut dire ceux qui ne sont pas arabes, mais parmi ceux qui sont dans le kufr et dans l'idolâtrie. Tandis que les non-arabes musulmans, alors ceux-là, ils sont comptés parmi les musulmans, ils ne font pas partie des a'ajim. Hein? Ils ne sont pas calculés comme des kuffars, ils sont calculés comme des musulmans, les non-arabes musulmans. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par les a'ajim? Les non-arabes, on veut dire les non-arabes qui ne sont pas sur l'islam. Après, il dit, après Cheikh l'islam, il continue à donner des exemples à ce sujet-là. Il dit, قال محمد ابن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء فلا بأس وأكره السرار وقال هو من زي الأعاجم وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهنة وقال في الرواية الماورذي أو الماروذي قد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو وأما من أراد الزينة فلا وروى على باب المخرج نعل ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال نتشبه بأولاد الملوك يعني وقال حرب الكرماني أيضا قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ قال هذه السندية إذا كانت للوضوء أو للكنيف أو لموضع ضرورة فلا بأس وكأنه كره أن يمشي بها في الأزقة وقيل فالنعل من الخشب قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال أما هذه أما في هذه غنية عن تلك وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهنة ملك الهند ولو كان في المسجد في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. Et là, donc ici il donne des exemples des différentes paroles des salafs au sujet de porter certains vêtements des kuffars. Et il parle ici en particulier d'une sorte de sandale qui était une sandale qui venait de l'Inde, hein, qu'on appelait les sandales Sindhiya, de la région de Sindh, qui est une région de l'Inde. Et donc, il demande à l'imam Ahmed, est-ce qu'on peut porter ces sandales? Et il dit, je ne l'aime pas, ni pour l'homme, ni pour la femme. Peut-être pour aller aux toilettes, hein, et porter pour rentrer dans les toilettes ou pour faire le wudu, pas de problème. Hein? Mais pas pour porter, non, sortir comme ça, non. Après, il a dit, il lui a demandé, il a dit, je déteste ce genre de choses, et il dit, ça fait partie des vêtements ou des choses que portent les non-arabes qui sont mushrikin. Et on a demandé à Saïd ibn Amir à ce sujet-là, et il a dit, la sunna de notre prophète est plus aimée pour nous que la sunna de Bakahna. Et Bakahna, c'était un roi parmi les rois de l'Inde. Et il est rapporté également selon la riwayat al-Marouzi qu'on lui a demandé à propos de cette sandale de Sindh, et il a dit, moi je ne l'utilise pas, mais si c'est pour porter pour marcher dans la boue ou dans les sorties comme pour aller aux toilettes ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour porter pour parure, pour montrer une parure ou des choses comme ça, non. Et il a dit, il a vu ce genre de sandales dans la porte, devant une porte, devant la sortie. Et il a vu cette sandale et il a critiqué. Il a dit, est-ce qu'on va ressembler aux enfants des rois de cette région-là, parmi les mushrikines? Et il a mentionné également la parole de Harb al-Kirmani. Il a dit, j'ai dit à l'imam Ahmad, est-ce qu'on peut porter ces grosses sandales épaisses? C'est les sandales de Sindh. Hein? Il a dit, si c'est pour le wudu ou pour la toilette ou pour nécessité, pas de problème. Mais je déteste qu'on marche avec elles dans les chemins, dans les rues. Hein? Et il dit, et que dire des sandales de bois? Il a dit, pas de problème pour ça si c'est pour une nécessité. Et Harb a dit, selon Ahmad ibn Nasr, selon Hamad Hibban ibn Musa, qu'on a demandé à Ibn al-Mubarak à propos des sandales al-Kurmaniya. Et il a dit, il n'a pas aimé. Il a dit, qu'est-ce qu'on a? De l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux pour nous que ça. On peut s'en passer. Et la même chose pour Al-Khalal, qui rapporte selon Ahmad ibn Ibrahim Al-Darouqi, ou Al-Darwaqi. Il dit, j'ai demandé à Saïd ibn Amir à propos de porter les sandales Al-Sabtiya. Il a dit, les vêtements, ou qu'est-ce que portait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus aimé pour nous que les vêtements de Bakahna, le roi de l'Inde. Et il dit, si quelqu'un les avait amenés à la mosquée de Médine, on les aurait fait sortir de Médine. Allez, on les aurait fait sortir de Médine. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage, ou ces narrations. Il dit, « Ay min mushabahat al-a'ajim, kadhalika libsu al-ni'al al-mukhassasa lahum. » فالإمام أحمد كره أن يلبسه المسلم خصوصا السرار الذي له صوت لأن الغالب أنه من لباسهم وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهنة وهو مالك من ملوك الهند الكفرة فسنة نبينا أحب إلينا من عاداتهم وتقاليدهم والمراد بالسنة هنا الطريقة فطريقة المسلمين أحب إلينا من طريقة أصحاب الجحيم. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit que parmi les exemples de l'imitation des kuffars qui sont non arabes, il y avait une sorte de sandale qui était spécifique à eux. Et l'imam Ahmad détestait qu'on porte ce genre de, que le musulman porte ce genre de sandale qui leur est particulière, qu'on appelait al-sarrar, parce qu'elle a une, elle fait du bruit, hein, quand on marche avec. Et en général, c'était des, les sandales qui leur étaient particulières. C'est-à-dire, c'était juste, c'était les koufars seulement qui portaient ces sandales-là. Les musulmans portaient pas ça. Et donc, ils ont considéré que ça, ça rentrait dans le sens général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Et on a demandé à Saïd ibn Amir, et il a dit, la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus aimée de, pour nous que la sunna de Bakahna, qui était un des rois parmi les rois mécréants de l'Inde. Et donc la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est préférable et meilleure pour nous et plus aimée que les traditions et les coutumes des kuffars et des mushrikins. Et il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici par la sunna? On veut dire la voie. Donc la voie des musulmans est plus aimée de, pour nous que la voix des gens de l'enfer. Il dit waqad samma aw summiya bin na'l as-sindi nisbatan ila as-sind wa hiya min bilad al-hind wa hiya mawtin al-a'ajim ghayr al-muslimin fi al-asl wa in kana ahluha aslamu akhiran aw ghalib ahliha walhamdulillah فالنعل المنسوب إلى الأعاجم الأصل أن يتجنبه المسلم لا سيما أن إن كان للزينة أما إذا كان استعماله للأمور الدون كدخول الحمام فلا بأس وإن كان الاستغناء عنها عموما أفضل وأليق بالمسلم. Donc il dit, on a appelé cette sandale as-sindiya par rapport au pays de Sindh, qui est une des régions de l'Inde. Et c'est un endroit où les non-arabes qui étaient kuffars à la base habitaient. Même si par la suite, la plupart des habitants de cette région-là se sont convertis par la suite à l'islam. Aujourd'hui, la plupart là-bas sont, alhamdoulilah, sont tous musulmans. Mais à la base, c'était des mushrikines. Donc, quand c'est-à-dire les sandales donc qui étaient de cette région-là et qui étaient portées par ces kuffars non arabes à la base, le musulman devait s'en écarter. Il doit s'en écarter. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de leur parure et de leurs vêtements. Il dit, sauf si c'était pour les utiliser pour rentrer aux toilettes, ça, il n'y avait pas de problème. Même si c'était mieux pour le musulman de s'en écarter et de s'en passer complètement. Ça, c'est encore mieux pour le musulman et ça correspond mieux, hein, aux musulmans. Il dit wa qawluhu wa ara ala bab al makhraj na'lan ay ra'a al imam ahmad hadha al na'l fa qala natashabbah bi awlad al muluk wa kathir min al muslimin al yawm yani qad balagha fi mushabahat al kuffar ila hadd ba'id wa dhalika natijatan lil jahl aw 'adam al mubalah مع العلم أن ذلك يجر إلى ما هو أعظم منه وديننا جاء بما يغنينا عن هذا كله فهو يكفي كل حاجيات المسلم ومتطلباته لأنه دين الفطرة يخاطب الروح والعقل والوجدان ويحل الطيب ويحرم الخبيث. Donc il dit, ensuite l'imam Ahmad a vu ce genre de sandales devant une porte. Il a dit, est-ce qu'on va ressembler aux enfants des rois, c'est-à-dire les rois de ces gens-là parmi les koufars et les mushrikines? Et il dit, beaucoup de musulmans aujourd'hui s'est rendu qu'ils imitent les koufars, hein, à une très, très grande portée, hein, subhanallah. Et ça, c'est le résultat de l'ignorance et ou bien de l'insouciance. Il dit, alors qu'on sait très bien que ces choses-là vont nous amener à qu'est-ce qui est plus grave. Et donc, il dit, notre religion, elle nous dispense de toutes ces choses-là. Et elle nous suffit de toutes ces choses-là. Parce que dans l'islam, il y a ce qui suffit à tous les besoins et toutes les nécessités de la fitra. Parce que c'est la religion de la fitra. Tout ce que le musulman a besoin, il le trouve dans l'islam. Parce que l'islam s'adresse à l'âme, à la raison et à l'être même, hein, tout entier du musulman. Et donc, l'islam rend licite ce qui est bon et interdit ce qui est mauvais. Ensuite, il dit, Ibn Taymiyyah, il mentionne ici, il dit, « وَسَعِدْ بْنُ عَامِرْ الضَّبْعِ إِمَامُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عِلْمًا وَدِينًا مِنْ شُيُوخِ الْإِمَامِ أَحْمَدْ قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَذُكِرَ عِنْدَهُ سَعِيدْ بْنُ عَامِرْ الضَّبْعِ قَالَ هُوَ شَيْخُ الْبَصْرَةِ مُنْذُ 40 سَنَةً وقال أبو مسعود من ابن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد ابن عامر. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il explique c'est qui Saïd ibn Amir al-Dab'i. C'est l'imam des gens de Basra dans la science et dans la religion, et c'était un des shuyukh, parmi les shuyukh de l'imam Ahmad. Donc l'imam Yahya ibn Saïd ibn al-Qattan, un des grands imams parmi les salaf, il mentionne, quand quelqu'un lui a mentionné Saïd ibn Amir al-Dab'i, qu'est-ce qu'il a dit Saïd Yahya ibn Saïd al-Qattan? Saïd Yahya ibn Saïd al-Qattan, c'est un des grands ulama, grands imams des salafs. Donc qu'est-ce qu'il dit quand on lui a posé la question à propos de Saïd ibn Amir al-Dab'i? Il a dit c'est le cheikh de la ville de Basra depuis 40 ans. Et Abu Mas'ud ibn al-Furat a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un égal à lui ou comme lui, hein, dans la ville de Basra. Donc il faut savoir, hein, qui sont nos ulama, qui sont nos salafs. Et le cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, وهذا توفيق لهذا السند إذا فإذا ما أفتى العلماء بتحريم التشبه بالكفار لا يخرج علينا أشباه العلماء فيطعنوا في سند هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تحرم التشبه بأصحاب الجحيم. Donc il dit ça, c'est pour confirmer l'authenticité de la chaîne de transmission de ces paroles. Il dit, si parmi les ulama des salafs ont donné les fatawas pour interdire l'imitation des kuffars, il n'y a pas des gens là qui se prétendent ulama ou qui veulent essayer de se dire ulama aujourd'hui, qui viennent commencer à critiquer ou attaquer les chaînes de transmission des hadiths, hein, qui ont mentionné l'interdiction de l'imitation des gens de l'enfer. Parce que là, il mentionne que ça, c'est pas n'importe qui a transmis ce genre de fatwa, qui a mentionné ce genre de paroles, mais c'est des imams du calibre de Saïd ibn Amr al-Dab'i, hein, parmi les shuyukh de l'imam Ahmad, et ainsi de suite. Donc il dit, وللأسف نجد اليوم كثيرا من أبناء المسلمين يدعون إلى التشبه بالكفار والمشي على طريقتهم متفخرا بما عندهم ومتنقصا المسلمين بحجة أن الكفار برزوا في الصناعات والمخترعات ويظن أن هذا نتيجة لما هم عليه من الكفر والإلحاد وأن الدين حجزنا عن العلوم والتقدم ونحن نقول الدين ولله الحمد هو سبب عزتنا وتقدمنا فإنه يدفع عنا المضار ويجلب لنا المصالح وهذه الدنيا إنما خلقها الله وسخرها لعباده المؤمنين قال سبحانه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والكفار وإن كانوا برزوا في الدنيا فإنهم قد ضيعوا آخرتهم أما المسلم فإنه يعمل لدنياه وآخرته ولا تنافى بينهما قال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فالمسلم يجمع بين المصلحتين مصلحة الدين ومصلحة الدنيا ويعمر دنياه وآخرته أما الكافر فإنه يحصل جانبا ويهمل الجانب الآخر، وأخذ بالدنيا وفرح بها لكن ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه لا يعمل للآخرة، وإنما عمل وإن عمل فإنه لا يعمل للآخرة، وإن عمل فإنه على غير هدي المرسلين والنبيين، فلا نصيب له في الآخرة. وإذا تكاسل المسلمون عن عمل الدنيا فليس هذا حجة على الإسلام. Donc le cheikh il dit, aujourd'hui on trouve malheureusement des enfants des musulmans qui appellent à l'imitation des koufars et qui marchent à leur façon et dans leur voie, hein, et qui comme s'ils ressentent de la fierté de suivre ce qui est chez les koufars. Yani, ils sont fiers d'imiter les koufars et de suivre l'exemple des koufars. Et ils dénigrent et ils rabaissent et ils diminuent les musulmans sous prétexte que les koufars ont réussi à développer les technologies et les différentes innovations technologiques et la science et ainsi de suite. Et donc, certains d'entre ces gens-là pensent que la raison pour laquelle les koufars ont réussi à obtenir cet avancement dans les techniques et dans la technologie et dans les avancements scientifiques, que c'est à cause de leur kufr, de leur mécréance et de leur rejet de la foi. Et le cheikh, il dit, il pense que c'est la religion, hein, c'est-à-dire que c'est la religion qui empêche les gens d'avancer sur le plan scientifique et dans l'évolution, hein, et le modernisme et les choses de ce genre. Donc nous on dit à ces gens-là, la religion par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au contraire la cause de notre fierté et c'est la cause de notre avancement. Hein? Parce que c'est dans notre religion qu'on retrouve ce qui repousse le mal et qui ramène qu'est-ce qui est bien pour nous. Hein? Tous les effets mauvais et négatifs, les mauvaises choses, notre religion le rejette. Et tout ce qui est bon, notre religion le ramène. Et on est protégé donc par notre religion de tomber dans l'égarement. Et cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée et l'a assujettie pour ses serviteurs croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le Coran, à propos de la dunya, قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Toutes les bonnes choses que Allah a créées, c'est dans le verset 32 dans Surat Al-A'raf. Hein? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, qui a interdit les parures d'Allah qu'il a fait sortir pour ses serviteurs, de même que les bonnes choses parmi les subsistances qu'il nous a données. Le verset 32 dans Surat Al-A'raf. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, dis au Muhammad, elles sont pour les croyants. Hein? Elles sont pour les croyants dans cette vie d'ici-bas. Donc toutes les bonnes choses qu'il a créées comme risque et comme parure, il les a créés pour les croyants, hein, dans cette vie d'ici-bas, et elles leur seront exclusives dans l'au-delà. Et elles leur seront exclusives, khalisatan yawm al-qiyama, dans l'au-delà, elles seront exclusivement pour les mu'minines. Tandis que dans cette vie, Allah les a créés pour les mu'minines et les kuffars en profitent. Alors qu'à la base, elles sont créées pour les mu'minines seulement. Mais dans le paradis, elles seront que pour les mu'minines. Hein? Khalisatan yawm al-qiyama. Et dit le cheikh ensuite, et les kuffars, même s'ils ont réussi à dépasser les musulmans dans la dunya aujourd'hui, hein, mais ils ont complètement perdu leur au-delà. Tandis que le musulman, il travaille pour sa dunya et il travaille pour son au-delà. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 17, dans Surat Al-Ankabut, donc il dit, cherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le. Cherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le. Et il mentionne également le verset 10 dans Surat Al-Jumu'ah, lorsque la salat est terminée, dispersez-vous sur la terre, hein, et cherchez votre subsistance, hein, cherchez les grâces d'Allah. Et dans le verset 15, dans Surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et marchez donc sur ses chemins, et mangez de sa subsistance, et c'est vers lui que sera la le retour et le rassemblement au jour de la résurrection. Donc, le musulman, il doit réunir entre les deux bienfaits. Le bienfait de la vie d'ici-bas et le bienfait de la dunya. Le bienfait de la religion et le bienfait de la vie d'ici-bas. Hein? Il doit réunir ces deux bienfaits-là. Et donc, il ne va pas donner précédence, comme par exemple, uniquement à la dunya, puis il va laisser son au-delà, puis il ne va pas non plus uniquement travailler pour l'au-delà, puis délaisser la dunya. Mais il rejoint les deux. Hein? Et donc, il vit pour sa dunya et pour son au-delà. Tandis que le kafir, il travaille sur un côté, sur un des aspects, comme la dunya seulement, et l'autre aspect, l'au-delà, il n'y pense pas du tout. Il prend uniquement la dunya, il se réjouit de la dunya, mais il n'aura aucune part dans l'akhirah. Hein? Parce qu'il ne travaille pas pour l'au-delà, il travaille uniquement pour cette vie d'ici-bas. فَإِنَّهُ عَلَى غَيْرِ هَدِيَ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ. Parce qu'il ne suit pas la guidance des messagers et des prophètes. Et donc, il n'aura aucune portion de l'au-delà. Hein? Autre qu'il n'aura que l'enfer. Tandis que si les musulmans ont fait preuve de paresse et n'ont pas travaillé dans la dunya pour devancer les kuffars, eh bien, ça, ce n'est pas la faute de l'islam. Et ce n'est pas un argument contre l'islam. Hein? Donc ceux qui disent par exemple parmi les musulmans qui disent ah mais les koufars eux ils ont réussi à faire telle chose ou à avoir tel avancement sur le plan scientifique ou des choses de ce genre, Allahu al-musta'an, premièrement s'ils ont réussi à faire ces choses là c'est parce qu'ils ont travaillé dans ces domaines là et si les musulmans travaillent dans ces choses là aussi ils vont être capables de le faire. Et tout le monde sait aujourd'hui que de toute façon, si on regarde par exemple dans les universités des koufars, ceux qui font toutes les recherches scientifiques, beaucoup c'est des gens qui viennent des pays musulmans. Même dans les universités, dans les pays occidentaux maintenant, ils utilisent les cerveaux des musulmans pour faire avancer leur science. Pourquoi ? Parce que parmi les musulmans, on trouve parmi les plus grands esprits, les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs. Donc ça c'est un exemple. Et ils le savent. Hein? Donc le problème, c'est pas dans l'islam. Le problème, c'est que les musulmans, quand ils sont paresseux, ou bien quand ils ne font pas d'efforts pour faire leurs obligations et leurs devoirs dans leur religion, et bien c'est ça qui arrive, le résultat. Hein? Les koufars prennent le dessus et prennent le devant sur nous. Donc c'est uniquement à cause de notre faiblesse à nous, notre paresse, et non pas à cause de l'islam. Et le cheikh il dit وقال الميموني رأيت أبا عبد الله رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك وقال العرب عمائمهم تحت أذقانهم وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك يعني كراهية شديدة وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة وقال هو من فعل اليهود. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que Al-Maymouni il a dit j'ai vu Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Ahmad, et sa imama était sous son menton. Et il détestait qu'elle soit autrement que ça. Sa imama, son turban, il portait son turban, puis avec son turban toujours il y avait une portion qui passait par en dessous de son cou. Il dit les Arabes, leur turban passe sous leur cou, sous leur menton. Et l'imam Ahmad, il dit dans une riwaya de Al-Hassan ibn Muhammad, il dit il est détestable que quelqu'un porte une imama et qu'il n'y ait pas une queue ou bien une portion qui passe sous le menton. Il dit sinon c'est comme le turban que portent les juifs et les chrétiens ou les majus. Et ça c'est détestable. Il détestait ça sévèrement. Et il dit que également l'imam Ahmad, il détestait porter des vêtements noirs qui indiquaient un symbole des injustes, des gens injustes de son époque. Hein? Et souvent c'était les chiites, Rafida, qui portaient des turbans noirs ou des vêtements noirs. Et hein? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de hanak. Ça c'est l'imitation des koufars. Et les sikhs aussi. Leurs turbans, ils n'ont pas de queue. Ils ont pas ils passent pas en dessous du menton non plus. Donc il dit également, il a détesté de prier les yeux fermés, de fermer les yeux dans la salat. Il dit ça c'est là l'action des juifs. Ça c'est l'action des juifs. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit laysa al-imama min al-umur al-mubah libsul imama min al-umur al-mubaha laysat sunnah كما يقول بعض المتشددين ولكن السنة في صفة لبس العمامة والصفة الشرعية فيها أن يجعل لها تحنيكا وذلك أن يدير لها دورا تحت حنقه ثم يثبتها على رأسه أو تكون ذات ذؤابة من القفاء أو الإمامة أما الإمامة الصماء وهي التي ليس لها تحنيك ولا ذؤابة فهي من صفات عمائم غير المسلمين فالواجب تجنبها. نعم. Donc le cheikh explique que de porter l'imama, c'est-à-dire de porter le turban, ça fait partie des choses qui sont licites dans l'islam, qui sont permises, mais ça ne fait pas partie de la sunna, comme le disent certains extrémistes, en particulier parmi les soufis ou Jama'at Tablir. Ils essaient de faire croire que porter le turban c'est comme une sunna, qu'il faut le porter. Non, il dit la sunna dans le turban c'est dans la façon de porter le turban, mais le turban en lui-même c'est pas une sunna de le porter. Mais si tu le portes, il y a une façon de le porter selon la sunna. C'est-à-dire que tu fasses que lorsque tu le fais tourner autour de ta tête, hein, tu laisses une partie à la fin pour passer sous ton menton. Et tu l'attaches par la suite de l'autre côté, hein, sur ta tête. Et il dit, ou bien tu laisses un morceau qui dépasse par en arrière, sur la nuque, hein, comme une queue en arrière. C'est ça la sunna pour les musulmans, de porter le turban. Tandis que le turban qui n'a pas de queue, ou que tu ne passes pas sous le menton, ça, c'est pas la façon des musulmans. Ça, c'est la façon des kuffars. Donc, l'obligation pour les musulmans, c'est de quand ils portent le turban, ils doivent le porter en le portant, soit en laissant une portion pour mettre sous le menton, ou bien laisser une queue en arrière dans son turban. Et il dit qawluhu, donc en ce qui concerne la partie suivante, le paragraphe suivant, il dit qawluhu wa li hadha kariha ahmad libas wa ashiya kanat shi'ar adh-dhalama يعني ان الامام احمد رحمه الله كان يتجنب لباس الظلمه حتى من المسلمين وكأن يكون لهم لباس خاص بهم كلبس السواد لئلا يشارك الظلمة في المظهر وإذا كان هذا في الظلمة من المسلمين فهو في الكافرين وأصحاب الجحيم آكد وألزم. Donc le cheikh il explique que l'imam Ahmad rahimahullah il détestait porter les vêtements qui étaient un symbole des gens qui font de l'injustice ou qui font du mal. Et donc l'imam Ahmad par exemple il s'écartait de tout ce qui avait rapport avec les vêtements des injustes parmi les musulmans. Donc si par exemple certains d'entre eux portaient un vêtement qui leur était particulier, comme les vêtements qui sont noirs, par exemple, eh bien, ils ne voulaient pas leur ressembler pour être, disons, participer pour, ou bien pour être complices avec eux dans leur apparence. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'écartaient de ce genre de vêtements-là, malgré que ce sont des musulmans. Donc, si on doit s'écarter des vêtements qui sont des vêtements qui font partie des vêtements des musulmans, mais qui sont portés par des injustes, alors que dire des vêtements des koufars et des gens de l'enfer? Ça, c'est encore plus fort et encore plus certain. Hein? Donc, par exemple, s'il y a un groupe, par exemple, de bid'ah ou une tariqa soufia, des fois, ils ont un certain costume qu'ils portent. Les soufis, souvent, ils ont un vêtement qu'ils portent pour se distinguer des autres musulmans. Et parfois, ils doivent porter certaines couleurs, parfois, ils doivent porter certaines formes de vêtements. Et ils les portent de cette façon-là pour être différents des autres musulmans. Donc, on n'a pas le droit de porter des vêtements qui nous font ressembler à ces groupes de bid'ah et à ces groupes d'égarements-là. D'accord? La même chose pour les vêtements que portent les shi'a rafida. Ou bien les vêtements que portent, par exemple, les khawarij. Hein, si les khawarij ont, par exemple, un vêtement qui les distingue, on n'a pas le droit de les ressembler dans ces vêtements-là. Ou bien, par exemple, les gens de bid'ah, les sectes des différents groupes. S'ils ont un vêtement qu'ils portent, on n'a pas le droit de les porter non plus. Et ils mentionnent. Donc, ça, c'est le cas pour ceux qui font du mal parmi les musulmans. Donc, imaginez l'imitation des koufars, c'est encore plus grave. Hein? Et la même chose pour l'imitation des gens qui font des péchés parmi les musulmans. Par exemple, s'il y a des acteurs ou des vedettes ou des chanteurs ou des gens qui vivent dans le péché comme ça et qui portent certains vêtements, donc on n'a pas le droit d'essayer de porter ces vêtements-là nous aussi puis de vouloir leur ressembler. Encore pire si c'est des koufars, yani. Mais si c'est des musulmans, on n'a pas le droit de les imiter, alors imaginez les koufars. Donc le cheikh il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ وَكَرِيَهُ وَغَيْرُهُ تَغْمِيدُ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ » يعني الأصل في الصلاة أن يكون النظر إلى موضع السجود ولا ينظر المصلي أمامه ولا ينظر المصلي أمامه. نعم لا ينظر المصلي أمامه لأن ذلك يشغله عن الصلاة وكذلك لا يغمض عينيه كما يفعله بعض الناس بحجة أنه لأجل الخشوع لأن هذا من فعل اليهود فإنهم يغمضون أعينهم في صلاتهم ونحن منهيون عن التشبه بهم أما إذا احتاجت إلى تغميض عينيه فإنه يباح. Le cheikh il dit que de même qu'il est détestable et que l'imam Ahmad a détesté de même que d'autres également le fait de fermer les yeux dans la salat, il dit qu'à la base quand on fait la salat on doit regarder à l'endroit où on se prosterne et le musalli, la personne qui fait la salat, elle ne doit pas regarder devant elle mais elle doit regarder l'endroit où elle va se prosterner parce que sinon ça va le distraire de sa salat, ça le distrait de sa salat. De même qu'il ne doit pas fermer ses yeux, contrairement à ce que certaines personnes font, sous prétexte que ça va lui donner plus de concentration dans la salat ou plus de khushu'. Non, il dit ça, c'est l'exemple des juifs. Hein, c'est eux qui ferment leurs yeux dans la salat. Et nous, on est interdit de ressembler aux juifs et aux koufars en général. Mais il dit par contre, si quelqu'un, c'est nécessaire pour lui, ou il a besoin à un moment donné de fermer ses yeux dans la salat, dans ce cas-là, il a le droit. Hein? Je me rappelle, yani, si par exemple quelque chose vient pour te déranger, hein, ou tu vois quelque chose devant toi qui te distrait pendant ta salat, hein, il n'y a pas de problème dans ce cas-là si tu as besoin de fermer tes yeux pour yani, faire en sorte que cette chose-là cesse de te distraire. Il y avait des fois des petits enfants, parfois ils viennent, ils se placent devant toi, puis ils font des grimaces ou des trucs comme ça pour essayer d'attirer l'attention. Puis parfois même, ils peuvent même te déconcentrer, même te faire rire dans la salat. Donc dans ce cas-là, il faut pas les regarder. Donc ça peut être un exemple. Yani, des fois, on ferme les yeux pour pas être distrait. Yani. Surtout quand c'est notre prof. Enfant là, des fois c'est encore plus encore plus drôle de les regarder comme ça. Donc c'est mieux de tourner, de pas les regarder. Naam. Wa qad rawa Abu Hafs al-Ukbari. Abu Hafs al-Ukbari بإسناده عن بلال ابن أبي حدرب نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة أي نعم تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة أي نعم. وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله في كلام الخلفاء الراشدين parce que le livre du Cheikh Ibn Taymiyyah il est vraiment bien structuré. Il commence avec les preuves du Coran, il va de plus en plus général, puis là après il devient de plus en plus précis, plus en plus spécifique. Après il va mentionner les paroles des Khulafa Rashidin, après il va mentionner les paroles des imams, vous allez voir. Donc le Cheikh il mentionne un hadith, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Tama'dadu wa khshawshinu wa inta'ilu wa mshu hufat. Tama'dadu, on va expliquer ce que ça veut dire après. Wa khshawshinu, c'est-à-dire de ne pas faire preuve de trop d'extravagance, de s'habituer à un petit peu de comment je pourrais dire, de rudesse, en tout cas. Je vais l'expliquer après dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Et inta'ilu, c'est-à-dire porter des sandales et marcher pieds nus. Porter des sandales et marcher pieds nus. Et ça, c'est bien connu, c'est mémorisé, c'est quelque chose qui a été mémorisé des paroles de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et il a écrit une lettre aux musulmans justement à ce sujet-là, et ça, on va le mentionner, inshallah, plus tard dans les paroles des Khulafa al-Rashidin. Cheikh al-Fawzan, il explique, il dit, Tama'dadu wa khshawshinu. At-tama'dud, nisbatan ila ma'd, ma'd, jadd al-Arab. لأن الله خصهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم نبي الله عز وجل ولأن الكتاب نزل بلغة العرب قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك أي أن هذا القرآن فخر وشرف لك ولقومك وسوف تسألون أي يوم القيامة تسألون عن هذا القرآن الذي حملكم إياه حملكم الله إياه وشرفكم وشرف لغتكم به وسوف تسألون عن هذا التشريف والتكريم. شيخ الزي التمعدد كيف كي ça veut dire c'est par يعني par c'est par relation avec un des ancêtres des arabes Ma'd. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que يعني suivez l'exemple des arabes dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit sorti parmi eux. Et parce que il fait partie des enfants d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, le prophète d'Allah, azza wa jal. Et parce que le livre d'Allah est descendu dans leur langue, la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44, dans sourate Az-Zukhruf, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. C'est un rappel pour toi et pour ton peuple. Et il dit, c'est-à-dire que le Coran, c'est une fierté et une noblesse pour toi et pour ton peuple. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Et vous serez questionnés. C'est-à-dire, au jour de la résurrection, vous serez questionnés. C'est-à-dire, les Arabes seront questionnés à propos de ce Coran que Allah leur a donné et par lequel il les a anoblis, hein, et du fait qu'il a anobli leur langue, hein, par ce Coran, et donc ils seront questionnés à propos de cette noblesse et de ce bien que Allah leur a donné. Donc en fait le fait que le Coran soit en arabe, c'est une plus grande responsabilité pour les Arabes, et donc ils auront plus de responsabilité et plus de questions à répondre au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont Arabes. Donc c'est pour dire, vous avez reçu le Coran et il est dans votre langue. Donc vous êtes les premiers hein, responsable de ce livre, et c'est à vous le, en premier de le mettre en application et d'y croire et de le mettre en application. Tandis que si par exemple vous le négligez, ou bien vous vous détournez, ou bien vous ne donnez pas d'importance, eh bien, ça c'est la honte pour vous. Hein. Mm-hmm. Mashallah. Non, c'est très important, comme tu dis, de donner l'importance à la langue arabe, surtout comme Cheikh Farkous, qu'est-ce que tu dis là? Il a fait cette fatwa. C'est vrai de ne pas parler les dialectes, puis de se concentrer pour essayer de parler l'arabe classique. C'est très important. Et même à la maison, même dans la rue, à l'extérieur, de ne pas parler le dialecte. Oui, non, ça c'est vrai, c'est important. Exactement. Quand ils cessent de parler l'arabe classique, ils sont en train en fait d'oublier, de perdre leur arabe, même s'ils ne réalisent pas. Et surtout en Algérie, parce que quand on sait que, par exemple, il y a une époque où, pendant 132 ans, les Français étaient là, puis ils les ont, à un certain moment donné, les Français ont interdit de parler l'arabe. Ont interdit en Algérie de parler l'arabe. C'est-à-dire, t'imagines, c'est comme si, par exemple, même les musulmans, quand ils sont arrivés dans différents pays, ils n'ont pas interdit aux gens de ces pays-là de parler leur langue. Hein. Mais eux, ils viennent et ils interdisent aux musulmans de parler l'arabe. Bien entendu, leur intérêt dans ça, c'est de faire en sorte que les musulmans ne soient plus capables de comprendre la parole d'Allah. Et de comprendre la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas seulement dans le fait, par exemple, de dire, ah, maintenant ils sont francophones, ils parlent français. Mais s'ils arrivent à te faire détourner de la langue arabe par une autre langue, même si c'est un dialecte de l'arabe, mais qui est loin de l'arabe classique, et qu'à chaque fois qu'on te parle en arabe classique, c'est comme si on te parlait dans une autre langue, hein? Parce que ça ce qui arrive quand tu parles avec des petits enfants par exemple maghrébins en arabe fusha et ils vont dire parle arabe et ils pensent que tu leur parles une autre langue. Pourquoi? Parce que pour eux l'arabe classique c'est pas leur langue en fait. Allah musta'an. Mais je me rappelle justement quand il y a un Marocain qui venait faire des conférences à Montréal-Nord il y a bien longtemps à la mosquée Montréal-Nord et à l'époque moi j'étais encore nouveau converti à l'époque donc je connaissais pas encore l'arabe et je me rappelle que il faisait son discours en dialecte marocain. Et il y avait un cheikh soudanais, c'est lui qui m'avait appris l'arabe au début, et le cheikh soudanais, il avait besoin d'un traducteur pour comprendre qu'est-ce que le marocain disait, parce qu'il ne comprenait pas du tout qu'est-ce qu'il disait. C'est comme, pour lui, c'était comme une autre langue. Hein? Donc c'est pour dire que il y en a l'importance de concentrer sur l'arabe. Et des fois, c'est ça, quand j'étais imam à la mosquée Dar Arqam, souvent, il me disait, les gens, quand tu fais la khutbah en arabe, beaucoup d'Algériens ne comprennent pas ce que tu dis en arabe. Il faut que, c'est quand tu leur traduis en français que c'est là qu'ils comprennent la khutbah, en fait. Donc, il dit, il faut que tu traduises la même chose que ce que tu, parce que des fois, je faisais une khutbah en arabe, puis en français, je faisais un petit résumé, puis des fois, je disais pas nécessairement la même chose que ce que j'avais dit en arabe. Comme si je me disais, je vais juste compléter la signification de qu'est-ce que j'ai pas dit en arabe, je vais le compléter en français. Mais il m'a dit non, il faut que tu le dises la même chose parce que si tu le dis pas la même chose, hein, eux ils ont pas compris qu'est-ce que tu as dit avant. Donc Allah musta'an yani. Donc c'est pour dire. Et ça. Oui, c'est ça. Et hein. Ouais, exactement. Et il y a aussi les non-arabes, comme les gens de, comme les Pakistanais, les Indiens, les gens de l'Afrique, de l'Est, de l'Ouest, qui sont non-arabes. Et ben, tu vois chez eux, par exemple, il y a beaucoup plus de bid'a et de khurafat, toutes sortes de choses qui sont contraires à la aqida, contraires à l'islam. Et ça se propage beaucoup plus parmi eux parce que eux, ils suivent aveuglément des gens qu'ils ont pris comme étant des références dans la religion, qui sont parfois des gens de bid'a, des gens d'égarement, des soufis ou des gens de différentes tendances, et ils les prennent eux comme leurs références. Ça veut dire que ils sont complètement coupés de la religion et de la science, parce que premièrement eux-mêmes ils peuvent pas accéder à la connaissance du texte du Coran et de la Sunna directement parce qu'ils connaissent pas la langue, et deuxièmement ils sont coupés du fait qu'ils prennent comme référence des égarés qui leur déforment le sens du Coran et de la Sunna. Exactement. Et ces gens-là ont pris auprès d'eux une importance tellement grande que si quelqu'un de l'extérieur arrive pour leur dire qu'est-ce que cette personne-là vous dit, c'est pas vrai, personne va vouloir même les écouter parce qu'ils vont dire yani, vous allez pas connaître mieux que ceux-là, tu vois. Allahu al-musta'an. Exactement. Ils vont dire ça. Donc ça, c'est ça qui se passe malheureusement. Exact. Quand on ne connaît pas l'arabe, on est limité. Puis c'est bien qu'il y ait des livres pour traduire, mais il ne faut pas se baser sur ça seulement. Et surtout pas penser qu'on peut faire des études sérieuses de l'islam dans une autre langue que l'arabe. Parce que ça, c'est complètement ridicule, et c'est juste comme, disons, une goutte d'eau dans un océan. Yani. Hein? Après, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَخْشَوْشِنُوا هَذَا فِيهِ النَّهْيُ عَنْ الطَّرَفِ الطَّرَفِ وَهُوَ الْإِغْرَقْ فِي التَّلَذُّذِ وَالنِّعَمْ وَالْفَاخِرُ مِنَ اللِّبَاسِ والفارة من البيوت والمراكب وغير ذلك والمبالغة في ذلك فالأصل في المسلم أن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه وقد ذم الله المترفين في كتابه وبين أنهم في الغالب هم أعداء الرسل فقال ما وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وقال يصف أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فذكر من خصالهم الطرف ولا شك أن العبادة والجهاد والعمل الصالح وقيام الليل وصيام النهار يتنافى مع الإغراق في الطرف فالذي يعيش عيشة الطرف والبذخ يكسل عن العبادة فالواجب على المسلم أن يكف عن الإغراق في حياة الطرف واللهو ويلتزم حياة الاعتدال ولهذا قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit après وخشوشينو, ça veut dire l'interdiction de l'interdiction de faire preuve de trop d'extravagance et de luxure, tu vois, de vivre dans les plaisirs et toutes la luxure et les beaux vêtements luxueux et de vivre dans trop de luxe et de d'aisance. Des belles maisons, des belles montures, des trucs comme ça, et d'exagérer là-dedans. Parce qu'à la base, le musulman, il ne doit pas prendre la dunya comme sa plus grande aspiration et la limite de sa science, non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il blâme les gens extravagants, les gens qui sont pris dans la luxure, ce genre de choses-là. Parce que la plupart du temps, c'était eux qui étaient les ennemis des messagers. Et il mentionne le verset 34 dans Sourate Saba, dans lequel il dit: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. C'est-à-dire, nous n'avons pas envoyé dans une cité, dans un endroit, une ville, un avertisseur, excepté que les gens extravagants parmi eux ont dit: nous sommes mécréants, hein, nous rejetons ce avec quoi vous avez été envoyés. Et il mentionne le verset 45 dans Sourate Al-Waqi'a, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: innahum kanu qabla dhalika mutrafin. C'est-à-dire, c'était avant cela, ces gens-là étaient des gens qui étaient extravagants dans la luxure et ainsi de suite. C'est-à-dire, dans la vie d'ici-bas. Et il dit ça pour décrire les gens de l'enfer. Il dit ces gens-là, hein, wa ashabu shimal, ima ashabu shimal, fi samumin wa hamim, وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُمْ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. Ils étaient des gens extravagants avant cela. Et ils persistaient dans le grand péché, c'est-à-dire le shirk. Et ils disaient aux croyants et aux messagers: est-ce que quand on va être mort et qu'on va devenir de la terre et que on va devenir des ossements, est-ce qu'on va être ressuscité? Et même nos ancêtres parmi nos pères, hein, les premiers, les anciens, eux aussi vont être ressuscités. C'est-à-dire qu'ils remettaient en question, puis ils doutaient de la possibilité qu'on puisse revivre et revenir à la vie après avoir été des ossements. Et donc, parmi les caractéristiques de ces gens de l'enfer, il y a l'extravagance. Et il n'y a pas de doute que l'adoration et le djihad, la lutte, hein, et les bonnes œuvres et le fait de prier la nuit et de jeûner le jour, c'est quelque chose qui vient en contradiction avec le fait de se noyer dans la luxure et dans l'extravagance et de vivre une vie de luxe et de tout ce genre de choses là il dit, parce que ça fait que la personne devient paresseuse, hein, dans l'adoration. Et donc l'obligation pour le musulman, c'est de s'abstenir et de se retenir de vivre une vie noyée dans le luxe et dans l'aisance et dans le divertissement, et essayer de suivre une vie qui est équilibrée entre le tu vas pas non plus vivre dans le comme si la rudesse absolue comme certains comme qui pensent que tout confort est contraire à la religion. Non, ça c'est un autre extrême aussi. La frivolité, ouais, mais tout ça, ça a rapport. Mais c'est comme si, parce qu'il y en a qui vont dans l'autre extrême. Il y en a qui vont dire: bon, moi ça y est, je ne dors plus sur un lit, je vais dormir par terre, je ne veux plus. Ils veulent essayer de dire comme si: moi je veux me détacher complètement de la dunya, je veux rien de dispendieux, rien de cher, rien de beau, rien de confortable, je veux juste des choses dures et vieilles et laides. C'est pas ça. C'est le zuhd, c'est même pas ça. Le zuhd, c'est pas de se détacher de la dunya dans le sens que tu veux rien de la dunya. Le zuhd, ça veut dire que lorsque tu l'as et lorsque tu l'as pas, ça t'est égal. C'est-à-dire, si tu vas être riche avec les plus belles voitures, les plus beaux vêtements, la belle maison, tout le luxe, puis que Allah, du jour au lendemain, te l'enlève, ça t'est complètement égal. Parce que toutes ces choses-là que tu as, tu sais que ça vient d'Allah, que Allah peut le reprendre quand il veut, et tu lui donnes pas une grande place dans ton cœur. C'est ça le zuhd, hein? Tandis que le fait de dire: non, moi je veux pas vivre dans rien, je veux rester, hein, dans la vie rude et tout, non. C'est le juste au milieu. Il faut pas tomber dans un extrême, de vivre dans la luxure comme les ennemis d'Allah et les kuffars et les mouchriquins, et de vivre dans la choisir volontairement de vivre dans la difficulté et puis dans le qu'est-ce qui est dur. Non, il faut ni un ni l'autre, mais choisir le juste milieu. Et c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Il dit: wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Il dit: et mangez et buvez et n'excédez pas, ne tombez pas dans l'excès, dans l'exagération, la luxure, parce que Allah n'aime pas les musrifin, ceux qui excèdent, qui tombent dans l'excès. Et il mentionne dans un autre verset, dans Surat Al-Furqan, le verset 67, ceux qui lorsqu'ils dépensent de leurs biens, hein, ils ne tombent pas dans l'excès, ils ne font pas preuve non plus d'avarice, mais qui sont entre les deux. Hein. Ils ne vont pas tout donner, qu'est-ce qu'ils possèdent, puis ils ne vont pas non plus tout garder, puis rien donner du tout. Non, ils vont être juste au milieu. Et après il dit wa qawluhu wa nta'ilu wamshu hufatan al-maqsud an yu'awwid al-muslim nafsahu ala shay'in min al-khushuna hatta la ta'laf ar-raha wan-na'im fatarkanu ila al-kasal fayandabu lil-muslim an yamshi fi ba'd al-ahyan hafiyan yata'awwad الخشونة فإذا لم يتأذى بشوك أو غيره أما إذا تحققت المضرة فلا ينبغي مثل ذلك وفي هذا الحديث الحث على المشي والنهي عن الإكثار من الركوب. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh, il dit que dans le hadith ensuite ça dit وَانْتَعِلُوا وَمْشُوا حُفَاتًا, c'est-à-dire porter des sandales et marcher nu-pieds aussi. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là ici? C'est que le musulman, il doit s'habituer à un peu de dureté, un peu de rudesse dans sa vie. Pour pas qu'il soit uniquement habitué au repos, puis aux douceurs de la vie seulement. Et c'est ça. Pour qu'il devienne plus dur, plus solide. Hein? Pas quelqu'un de tellement... faible, hein, et, comment je pourrais dire, n'importe quelle difficulté de la vie, il peut pas le prendre. Non, il doit être solide, hein, en même temps. Et il ne doit pas être paresseux, devenir paresseux à cause de ça. Donc, c'est comme, tu vois ça souvent quand des gens, par exemple, qui vivent comme nous, par exemple, on est habitué, surtout si on a grandi, on a vécu en Occident, on est habitué à une certaine aisance de la vie, facilité, confort. Quand on retourne dans des pays musulmans, parfois, c'est difficile. C'est difficile pour nous. Pourquoi? Parce que on a été habitué à un certain confort et des habitudes de vie, de facilité. Donc, quand on retourne dans des pays... pas juste des pays musulmans, même des pays du tiers-monde autres que les pays musulmans, où il n'y a pas tous les conforts qu'on a l'habitude d'avoir dans les pays occidentaux, bien là, on commence à trouver ça difficile. Mais c'est parce que, justement, on est habitué à une certaine superficialité dans la vie. Et donc, on est un petit peu à côté de la traque, comme on dit, hein, à force d'être trop... de vivre trop dans l'aisance, là, comme on dit, dans le coton, hein. On a grandi dans le coton, donc on est devenu trop sensible, trop faible à cause de ça. On est devenu faible et sensible. Si on nous laisse, par exemple, je sais pas moi, une semaine dans un endroit sans eau courante, sans électricité, on commence à crier comme si pleurer comme des bébés parce qu'on sait plus quoi faire. On peut plus vivre dans cette situation là et même que les koufars, ils font des émissions de télé pour justement montrer aux gens comment ils vont avoir des difficultés à vivre dans certains endroits naturels, hein, loin de tous les conforts de la vie de tous les jours dans la société occidentale. Et est-ce qu'ils sont capables de survivre dans ces périodes là ou dans ces conditions là donc tout ça pour dire que, et allez, moi je sais, parce que d'un côté moi je suis né ici, je suis né au Canada, mais la plupart de mes amis quand j'étais jeune, ils venaient d'Haïti, hein, ils ont grandi en Haïti, et alhamdoulilah, disons que le fait d'avoir grandi avec des enfants, des jeunes qui venaient d'Haïti comme ça, tu vois, ça, en même temps, ils m'expliquaient un peu comment ça se passait en Haïti pour eux, tu vois, et donc ils me disaient, bon, nous on jouait au football dans la rue, pieds nus, hein, sur les pierres, les roches, on avait l'habitude de marcher dehors au soleil, sur les roches, sur les pierres, nos pieds étaient durs. Il dit, c'est pas comme ici, comme quand quelqu'un, s'il marche nu-pied, il va se blesser, hein, n'importe quelle petite roche ou quelque chose, puis c'est juste, essaie de marcher nu-pied comme ça dehors maintenant, hein. Subhanallah, je me rappelle quand on était à Médine, yani, oh, la première année, je me rappelle, j'ai dit, bon, je vais mettre des sandales, yani, parce que tout le monde porte des sandales. Et donc, j'ai commencé à porter des sandales. Et moi, j'ai pas l'habitude de porter des sandales. Alors, je portais des sandales. Et, subhanallah, avec le climat de Médine, c'est chaud, mais c'est sec, très sec. Tout le monde a les pieds craqués là-bas. Et à un moment donné, mes pieds tellement devenus tellement craqués que même y a, des fois ça saignait, yani, tu vois, ça commence à saigner les pieds. Oh, subhanallah. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit non, moi je pense pas que je vais continuer à porter des sandales. Donc je suis revenu à mes souliers. Oui, non, c'est ça. Ça craque et tout, donc c'est. Mais là, il faut mettre. Les frères, ils disaient oui, tu dois mettre la vaseline, tu dois mettre ci et ça. Non, on est devenu faible, on est devenu très faible. Non, c'est ça, si tu es habitué, après ça va, c'est ça. C'est une période, puis après ça y est. Non, c'est quoi? Alors, sinon, tu vois les petits enfants là. Il marche comme ça dans la base. Normal, aucun problème. Mais c'est ça, c'est une question d'habitude. Hein? C'est une question d'habitude. Donc, de temps en temps, marcher du pied comme ça. Ah ouais. Si tu marches pieds nus, cela augmente la circulation. Oui, ça fait du bien. Ah, c'est ça, on est habitué. Non. Non, c'est ça, de temps en temps ça fait du bien, puis mais bon, c'est ça, nous on est habitué comme ça. Mais le cheikh, par contre, il dit, il y a une note, il dit à ce sujet là il est recommandé aux musulmans de parfois de marcher nu-pied pour qu'ils s'habituent un peu à la rudesse de la vie. Par contre, s'il y a des choses qui risquent de le blesser, comme des épines ou des vitres, des choses qui risquent de le couper, et qu'il est certain qu'il va se faire mal, dans ce cas-là, non, il ne doit pas le faire. Mais dans le hadith, c'est juste pour nous inciter à marcher et à ne pas tout le temps être en véhicule, hein, de porter, ou bien d'être, disons, sur une monture ou quelque chose. Parce que ça, à notre époque, c'est un problème. Et en subhanallah, il y a des gens. Je rappelle, même en Arabie Saoudite et aussi, même ailleurs aussi, en Europe, aux États-Unis, partout, quand on devient habitué à prendre la voiture, des fois on traverse, juste pour aller d'un coin de rue à un autre, on prend la voiture, subhanallah. Et je me rappelle, des fois, même la mosquée était juste à quelques pas, je dirais même pas, une, deux minutes peut-être de marche, et on connaît la voiture pour y aller. Hein? Donc c'est pour dire, subhanallah, je dis, mais pourquoi les gens ici, pour aller n'importe où, ils prennent la voiture, et allez, subhanallah, surtout que moi, j'ai pas pris l'habitude d'avoir une voiture depuis longtemps, donc, excepté depuis que j'ai une famille, là, mais sinon, avant ça, j'ai toujours préféré prendre les transports en commun. Mais non, c'est ça, mais bon, pour moi, je veux dire, maintenant, bon, ça y est, mais la voiture, je l'utilise que pour les nécessités, mais sinon, c'est vrai, il faut prendre l'habitude de marcher, c'est beaucoup mieux que de prendre toujours les transports. Allah musta'an. Et il dit ensuite le cheikh, وَقَوْلُ وَهَذَا مَشْهُورٌ مَحْفُوظٌ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ الصَّحِيحَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَبَقَ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ. La parole, le hadith en question qu'on est en train d'expliquer, le cheikh il dit bon, que ça, c'est à la base, c'est une parole qui a été mémorisée, qui est attribuée à Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et elle est authentique, cette parole de Omar. Toutefois, elle a été rapportée et attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'est pas authentique. Ce hadith là, elle n'est pas authentique, attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, sa signification, elle est authentique, elle est vraie. Et dans le hadith en question, le hadith est rapporté par Al-Tabarani dans Al-Awsat. Mais il y a dedans, il y a Al-Qa'qa' ibn Abi Hardab Al-Aslami. Et c'est ça. Donc, d'après qu'est-ce que j'ai compris, le hadith en question, il n'est pas sahih. Mais par contre, c'est une parole qui est attribuée à Omar ibn Khattab, elle est sahih. Cette parole de Omar, elle est authentique de Omar. Et sa signification est vraie. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le prochain cours, je pense, on devrait peut-être terminer le volume 1, Inch'Allah, au prochain cours. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça. Par contre, c'est ça, je ne sais pas si on va être capable de continuer pendant le Ramadan ce cours-là. Peut-être, on va peut-être le continuer, mais pendant le Ramadan, on va avoir un autre programme différent. Il y aura de, on va faire peut-être tafsir. J'ai pensé à faire un cours de tafsir. Donc, puis aussi des rappels de, pour le Ramadan, puis tout ça. Donc, on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce qui va arriver pendant le Ramadan, comment on va organiser les cours. Mais sinon, c'est ça, Inch'Allah. Tayyib. Donc, subhanakallah, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك بركة.